to me. My name is Keith. Les enquêteurs ont bien découvert les armes décrites par Plunkett et portant ses empreintes. Les techniciens des laboratoires d'analyse criminelle leur ont fait subir des séries de tests avant de déclarer que le tranchant du couteau coïncide parfaitement avec les découpes en SS relevées sur les jambes des quatre victimes. Plunkett, qui avait gardé un silence absolu depuis son arrestation le 13 septembre, a été inculpé sur la base des preuves matérielles et de sa propre déclaration. Ce silence a déclenché une véritable fureur chez les responsables du maintien de l'ordre, qui ont la conviction que le nombre des victimes de Plunkett pourrait atteindre 50. Thomas Dusenberry, l'agent du FBI en charge de l'enquête qui a conduit à l'arrestation de Plunkett, a déclaré « En me fondant sur des analyses psychologiques des meurtres Berens Liggett et de Nunzio Cafferty, ainsi que sur les disparitions et meurtres non résolus qui correspondent, quant à leur date, à ce que nous connaissons des déplacements de Martin Plunkett, je le considère comme suspect d'au moins 30 autres meurtres et disparitions non résolues. Des aveux, fussent-ils volontaires ou obtenus par l'administration de drogue, épargneraient au service du maintien de l'ordre un nombre d'heures d'enquête impossible à chiffrer. Beaucoup des affaires pour lesquelles nous avons cadré Plunkett ne sont toujours pas classées. Mais Plunkett, dont les dossiers scolaires mentionnent une intelligence qui confine au génie, se refuse même à parler et encore plus à avouer, et d'un point de vue légal, nul ne peut l'y forcer. En conséquence, les officiels des services pénitentiaires de l'État de New York sont assaillis de pétitions qui proviennent de deux sources distinctes. Les services du maintien de l'ordre, soucieux de faire toute la lumière sur les homicides non résolus dans leur juridiction, et les psychologues et analystes criminels soucieux de sonder l'esprit d'un assassin en série intelligent. Jusqu'à présent, toutes ces pétitions ont été rejetées par les services pénitentiaires et les représentants de l'Association américaine pour les libertés civiques ont déclaré qu'ils interviendraient sur le plan légal s'il était fait un usage coercitif de drogues psychotropes pour obliger Plunkett à des aveux forcés. Le dernier mot sur l'affaire Plunkett revient peut-être au gardien-chef de Sing Sing, Richard Wardlow. Les implications légales et psychologiques de ce marché me dépassent, mais je peux vous dire une chose. Martin Plunkett ne reverra plus jamais la lumière du jour. Malgré toute la sympathie que j'éprouve pour les flics ayant des homicides non résolus sur les bras, je pense qu'il devrait abandonner et être reconnaissant que le soit sous les verrous. On ne peut pas faire saigner une pierre, même en l'écrasant. Extrait de Un tueur sur la route par James Ellroy. Show up. Right, and I don't want to rub anybody's face in it, and but I still, you know, want to promulgate the law. And the other thing is that I have posted quotes from Crowley on my MySpace, and I've used occult-based imagery on that. And I very purposely chose quotes that I felt very psychological, or physical, or benign, or intellectual in nature, or all of the above. And with the exception of the last one, which was the one where he talked about, I wasn't content. Oh, personal devil. Yeah. Yeah, which of course caused everybody to ignore it. I had already read and right. Flip out. Yeah, so yeah, that was my head. I'd flee this town where I've buried my dreams underground, as did I. We drink to die, we drink tonight. Far from home, elephant gun, let's take them down one by one. Let's lay it down. No, it's not been found. It's let's you very much. This is the first time in a year that I've written out a set list for the band, and boy, are they happy. We stuck with it, I think that's like... Depuis 60 ans, la mécanisation a fait place à l'automatisation et à l'informatisation. L'accélération exponentielle de la science, des connaissances, des savoir-faire et des technologies, bref, des moyens de production, a fait vivre à l'humanité cette mutation que Dubois avait vu venir. Elle est la plus grande de tous les temps, plus profonde et bien plus rapide que toutes les évolutions du passé. À ceux qui douteraient que cette mutation est bien celle qui l'a définie, rappelons quelques chiffres récents. La production n'a en effet pas cessé de croître. En France, au cours des 10 dernières années, le PIB s'est accru de 1350 milliards de francs, soit en moyenne de 200 francs par personne et par mois. Aux États-Unis, il a augmenté en 20 ans, de 2000 milliards de dollars, soit de 75%. La production mondiale par habitant, donc en dépit de la croissance démographique, a été multipliée par 2,5 entre 1960 et 1990. En 30 ans, la production alimentaire mondiale est passée de 2300 kcal quotidiennes par individu à 2700, soit respectivement de 90 à 109% des besoins fondamentaux, et ceci avec un nombre d'agriculteurs en baisse. Extrait de l'économie distributive, Marie-Louise Dubois. What extrait du Publishers Weekly, l'hebdo de l'édition du 6 juin 1983. Le tueur silencieux doit parler dans une autobiographie criminelle. L'agent littéraire Milton Alpert, de chez M. Alpert et Associés, a annoncé qu'il agirait au nom de Martin Michael Plunkett, plus connu sous le nom de sex-tueur, et reconnu coupable de meurtre pour la vente de son mémoire autobiographique, dont Alpert déclare « Tous les coups y sont portés sans retenue. Ce sera considéré à l'avenir comme un des grands classiques de l'âme criminelle. » Convoqué à Sing Sing à la suite d'un appel téléphonique de Plunkett, lequel avait gardé un silence absolu depuis la lecture de sa déclaration de culpabilité lors de son procès en février, Alpert a déclaré que le meurtrier, âgé de 36 ans, éprouve un profond remords pour tous les actes qu'il a commis et souhaite expier sa culpabilité par l'écriture de ce mémoire édifiant. Puisque la loi de l'État de New York interdit que des criminels puissent récolter les fruits en argent de leurs crimes par la publication de leurs récits, toutes les sommes que gagnera Plunkett en publiant son mémoire iront aux familles de ses victimes. Alpert a mis l'accent sur ce détail. C'est Martin, en réalité, qui veut qu'il en soit ainsi. Tous les services du maintien de l'ordre d'Amérique ont déjà exprimé le très grand intérêt que pourrait présenter la lecture du manuscrit de Plunkett au fur et à mesure de sa rédaction d'un point de vue purement légal. Ils pensent que cela pourrait les aider à faire la lumière sur des homicides non résolus dont Plunkett lui-même, suspecté par plusieurs responsables du FBI d'être un meurtrier en série de très longue date, est peut-être coupable. Selon l'un des termes d'un accord réciproque dont les deux parties seront mutuellement bénéficiaires, Alpert a accepté de communiquer les renseignements pertinents relatifs à des meurtres non résolus en échange de documents officiels de la police afin d'aider Martin à poursuivre la rédaction de son livre. L'ouvrage, qui ne porte pour l'instant pas de titre, sera mis aux enchères une fois terminé. Extrait d'Un tueur sur la route par James Ellroy. Yeah. Thank you. Son constat est simple. Les migrants d'aujourd'hui ne sont pas des déconnectés. Bien au contraire, ils sont des usagers comme les autres, voire plus que les autres, des outils numériques. C'est par exemple le simple téléphone portable qui va permettre d'être joint partout et tout le temps, le secrétariat du pauvre, dit Dana Diminescu, mais qui peut aussi servir à faire transiter de l'argent par texto. Si le téléphone est plus élaboré, ça peut être des plateformes de discussion en ligne ou même un moyen de faire partager son expérience, de documenter les étapes. On a vu des petits films enregistrés sur leur téléphone par des immigrants traversant les montagnes turques. Pour ceux qui sont plus installés, qui ont les moyens, c'est Internet. Des sites de rencontres qui favorisent, dans le pays d'arrivée, les rapports et les mariages intracommunautaires. Ou alors Skype, dans la communauté philippine notamment. Comment des mères venues travailler en Europe sans leurs enfants s'équipent dès qu'elles peuvent d'un ordinateur qu'elles allument dès qu'elles sont chez elles. Ce qui leur permet de voir leurs enfants rester au pays dans la famille. On peut, même avec le décalage horaire, partager un repas, voir les enfants passer, s'habiller, rire, avoir l'impression de partager un quotidien à travers cette fenêtre numérique ouverte presque gratuitement sur cet ailleurs. Extrait de l'article du migrant déraciné au migrant connecté. a piece of my mummy. She was quite close to me. You got crabs. I should go and see a doctor about that immediately. Tout ça n'est pas anodin. C'est un bouleversement dans la manière dont on conçoit la migration. Parce que dans la suite des admirables travaux menés par Abdelmalek Sayad, on continue souvent d'envisager le migrant dans la perspective de la double absence. Absence au pays d'origine et absence au pays d'installation. Or, il semble que ce ne soit pas complètement le cas. Le migrant contemporain reste en lien avec son pays d'origine, lien affectif, lien informatif, quasiment quotidien. Et ça change beaucoup de choses. Pour les parents isolés de leurs enfants, ça atténue la sensation d'arrachement. En même temps, ça crée d'autres difficultés. Les mères qui voient leurs enfants tous les jours par Skype ressentent difficilement ce qui est à la fois une présence, mais aussi une impuissance concrète à agir sur l'éducation de l'enfant. Ce n'est plus un déracinement, mais ça peut être aussi dur. Yo, Rockies, let me hear some fucking noise! They are the gods! I am the grill! What you see here are no heroes! Just real fucking people! Fuck. il faut aussi mesurer les implications politiques de ces migrations connectées. Parce que toute l'idée qu'il faut intégrer le migrant, ou plutôt que le migrant doit s'intégrer, repose sur l'idée qu'il est désintégré, déraciné. Or, on voit bien que ce n'est pas le cas. Le migrant connecté n'est pas un déraciné. Il ne se débarrasse pas d'une culture et d'une sociabilité pour en embrasser une autre. Et il le fera sans doute de moins en moins à mesure que les usages des outils numériques se répandent chez les migrants. Extrait de Du migrant déraciné au migrant connecté chez Internet Actu. Oh! fait, Mario n'était pas un petit dealer, mais un intermédiaire auprès des grossistes. Avec lui, on en avait vraiment pour son argent, sauf qu'il fallait lui laisser goûter la marchandise. C'est ce qu'on faisait ce jour-là dans sa petite cuisine. Le frère de Mario, tout juste sorti de prison, était avec nous. Assis par terre, il cherchait une veine utilisable dans ses cuisses et poussait un hurlement à chaque fois qu'il ratait son coup. Je n'avais jamais vu ça, un mec qui s'est trop piqué au bras et doit se rabattre sur ses jambes pour se faire un fixe. Extrait de Scar Tissue, biographie d'Anthony Kiedis. than just a redo. Mais on peut se poser une question. Est-ce que ces technologies ne favorisent pas une forme de ghettoisation en enfermant le migrant sur sa famille, restée au pays ou sur sa communauté dans le pays d'arrivée ? Les travaux menés par Dana Diminescu apportent une conclusion très différente. La relation au pays d'accueil est d'autant plus fertile en termes social et professionnel que les liens avec le pays d'origine et la communauté d'origine sont maintenus en grande partie grâce aux technologies. Extrait de Du migrant déraciné au migrant connecté, Internet accueil. Thank you. flowers the fields decorate. I carelessly rambled where I did not know, by the fair crystal fountain that falls in Glencoe, and on her who the prize on Mount Ider was won. On a continué à ce rythme pendant plusieurs jours, allant même jusqu'à mendier pour payer notre coke, quand, vers 4h30 du matin, je me suis aperçu que j'étais censé jouer le soir suivant. Je me suis dit, bon, il me faut de la cam parce que je dois aller en Arizona aujourd'hui et que c'est pas la grande forme. Anthony Kiedis, Scar Tissue. Go ahead and try. People love Le marché n'aide pas l'innovation radicale. Nous avons de plus en plus de produits prétendument innovants, mais ceux-ci sont en général anecdotiques, ce sont des gadgets. Où sont donc passées les grandes avancées technologiques? Comme l'a dit Peter Thiel, on attendait des voitures volantes et à la place, on a eu 140 caractères. On a déjà souvent abordé cette question dans nos colonnes. Certains, comme Neil Stephenson, dénoncent une démission des professionnels de l'imaginaire. D'autres, comme Richard Jones, soulignent que les innovations radicales ne peuvent pas se produire sans les grandes mises de fond d'un complexe militaro-industriel. Extrait d'Internet Actu. We'll be right back. Waterman Friends and Waterman Inc. present Gangbusters. Mario et moi, on est montés dans ma petite Studebaker Baker Lark verte, toute déglinguée pour aller dans une partie encore plus sinistre et reculée du ghetto. L'endroit donnait froid dans le dos, mais c'est là-bas qu'on trouvait les meilleurs prix. On s'est garé et on a marché jusqu'à un vieil immeuble délabré. « Vaut mieux pas que tu rentres là-dedans, crois-moi », m'a dit Mario. « Il peut se passer n'importe quoi à l'intérieur, ça craint vraiment. Passe-moi le fric, je te rapporte le matos. » J'hésitais, je me disais, bon Dieu, je ne veux pas me faire arnaquer maintenant. Il ne l'a jamais fait avant, mais ça ne m'étonnerait pas de lui. Seulement voilà, il me fallait ma dose, alors je lui ai donné mes 40 derniers dollars et il a disparu à l'intérieur du bâtiment. Anthony Kiedis, Scar Tissue. Would you run? Well, I'm throwing you a party. Please come. If I kissed you on your shoulder, would you come? If I kissed you all over, would it run? If I got you wet and ready for the sun, would it make you load and wanna shoot your gun? Son blog, Jerzy Gandhi, un serial entrepreneur, connu notamment pour avoir créé un orchestre virtuel, dénonce, lui, un certain nombre de réflexes de la part des investisseurs qui tentent à éliminer les projets par trop innovants. Dans son article « Pourquoi nous avons Instagram et pas Hyperloop ?», il énonce pas moins de 9 théories sur l'actuelle stagnation de l'innovation. Hyperloop, vous avez peut-être déjà entendu parler. Il s'agit d'un projet du célèbre entrepreneur Elon Musk, connu pour ses incursions dans le domaine de la conquête privée de l'espace avec SpaceX et dans celui des voitures électriques avec Tesla Motors. Il est connu également pour avoir inspiré Robert Downey Jr. dans son interprétation de Tony Stark, Iron Man. Hyperloop serait un très long tube dans lequel circulent à toute allure des capsules avec des passagers, propulsées par champ magnétique et sur coussin d'air, un peu sur le modèle du pneumatique. Hyperloop pourrait relier San Francisco et Los Angeles en une trentaine de minutes, soit plus rapidement qu'un avion. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'Hyperloop, mais pourquoi maintenant ? Parce qu'il s'agit du bébé d'un milliardaire comme Elon Musk, qui a déjà fait ses preuves avec d'autres projets mégalomaniaques. C'est là que se trouve le problème, explique Ganji. Depuis quelques années, plusieurs projets de type Hyperloop ont été lancés dans l'indifférence générale et n'ont pas réussi à réunir les sommes nécessaires pour passer de l'expérience de pensée au projet industriel viable. C'est un exemple de la manière dont les idées innovantes se retrouvent à la poubelle, du moins jusqu'au jour où quelqu'un déjà de bien installé s'en empare. Sans énoncer dans le détail les 9 théories émises par Ganji, on peut regrouper celles-ci sous deux grandes catégories. L'une concerne la manière dont l'argent de l'investissement circule, la seconde regroupe les habitudes de pensée et les préjugés, pur et simple. Extrait d'une chronique parue chez Internet Actu. Future in a British steel. happy. He must be happy in his world. Done with the devil, but the devil ain't done with you is the second line in the song, but the album's just called Done with the Devil. Premier problème, la stratégie de sortie des éventuels investisseurs. À quel moment pourront-ils récupérer leur mise ? Selon Ganji, dans le marché contemporain, tout tourne autour de cette sortie. Il existe en général deux moments privilégiés pour une telle opération. Lors d'une fusion-acquisition ou lors de l'introduction en bourse. Selon Ganji, la fusion-acquisition est la méthode grâce à laquelle l'innovation fonctionne aujourd'hui. Les grosses sociétés sont très mauvaises en innovation, explique-t-il. En conséquence, leur technique préférée consiste simplement à racheter les entreprises qui ont fait leurs preuves dans ce domaine. Et il est beaucoup plus simple de miser sur une entreprise qui va faire très vite de l'argent et se faire racheter très vite que sur un gros projet qui peut rapporter avec le temps des sommes bien plus importantes, mais qui n'offrira pas de stratégie de rachat et donc de sortie. Or, affirme Ganji, une entreprise créant un système comme l'Hyperloop serait trop grosse pour pouvoir être rachetée. Reste donc l'introduction en bourse qui serait toujours, selon lui, beaucoup trop risquée. Il est plus facile de construire l'Hyperloop que réussir une introduction en bourse, ironise l'entrepreneur. Autre souci, la façon dont le capital risque fonctionne aujourd'hui. Celui-ci utilise une stratégie de mitraillette par opposition à celle du tireur d'élite. Autrement dit, on préfère tirer de nombreuses balles et rater beaucoup de cibles que viser juste avec un petit nombre de projectiles. Les investisseurs préfèrent ainsi investir 4 millions de dollars sur des centaines de startups à raison de 50 000 dollars chacune que contribuer à partir de la même mise de plus grosses sommes à un tout petit nombre de sociétés. Au fond, c'est assez logique. De nombreuses startups, en fait l'écrasante majorité d'entre elles, vont s'effondrer très vite. Mais les gagnantes rapporteront suffisamment d'argent pour éponger les pertes. Or, nous affirme Ganji, cette stratégie date surtout des années 90. Auparavant, les investisseurs étaient beaucoup plus sélectifs. Et sans dénigrer la stratégie de la mitraillette, il souligne que la technique du sniper fonctionne aussi et de citer des entreprises qui en ont largement profité dans le passé, telles HP, Kentucky Fried Chicken et Hyundai. Extrait de Pourquoi le marché n'aide pas l'innovation radicale. I think lying in her bed. I watched you. pourquoi le marché n'aide pas l'innovation radicale. Autre blocage de la part des investisseurs, la tendance à l'hyperspécialisation. Nous avons aujourd'hui des investisseurs spécialisés dans les médias sociaux ou dans le e-commerce. Or, rappelle-t-il, les vrais investisseurs se moquent des industries dans lesquelles ils placent leur argent. Warren Buffett a investi dans les trains, le mobilier, les assurances et une centaine d'autres domaines. Évidemment, un projet comme Hyperloop ne saurait bénéficier des fonds de capital risqueurs aussi spécialisés. Lorsqu'une idée est véritablement innovante, elle casse les catégories existantes, presque par définition. Think I love you, but I wanna know for sure. So come on, hold me tight. I love you. Around from 9 to 5 I have this. that helps me pass the time away. Is knowing I'll be back at Echo Beach someday. Après plusieurs jours d'affilée à prendre de la coke sans dormir, j'avais des hallucinations en suspens dans un étrange demi-sommeil. Il fallait absolument que Mario sorte de cet immeuble avec ma dope, je ne pensais qu'à ça. J'ai enlevé mon cuir vintage, un de mes plus grands trésors. Quelques années plus tôt, Flea et moi, on avait investi toutes nos économies dans ces blousons assortis. Le mien était devenu une sorte de seconde peau. J'y mettais mon argent, mes clés et dans une petite poche secrète, mes seringues. Anthony Kiedis, Scar Tissue. I don't worry too much. sex if you're lost. Sex if you're lost. Pourquoi le marché n'aide pas l'innovation radicale? Autre obstacle, l'obsession du produit minimum viable, MVP. Autrement dit, les investisseurs attendent d'une start-up qu'elle mette au point une version simplifiée du produit assez rapidement afin de tester l'intérêt des clients potentiels. Comme nous le précise la Wikipédia, cette stratégie était popularisée par un certain Eric Ries pour développer des applications web. Mais le problème, c'est que des compagnies comme Hyperloop ne sont pas des applications web. Il est impensable de faire une version test rapide. On construit leur objet ou on ne le construit pas. Pour Ganji, une société comme Buffer est un exemple affligeant de la tyrannie du MVP. Le but de cette entreprise est de dispatcher dans le temps les contenus de Twitter, Facebook et autres réseaux sociaux. pour que les interventions d'utilisateurs soient plus régulières. Une structure qui a des clients, dont le produit fonctionne et qui a toutes les chances de se faire acheter par un gros joueur en peu de temps, mais qui ne propose en fait aucune innovation. A whispered remark changed a girl's life. Make no mistake, there was a difference. She had a war job and mother-in-law trouble, a jitterbug wedding and an itch that started quick. Dressed in the most attractive of rubber suits, posing as a girl, unmarried and unkissed, she set out to answer questions. How red is Hollywood and what brings out the beast in men? By the seaside, by the bandstand, she sighs and says, too many blondes spoil the crowd. As sound systems loom over the city, electric, anesthetic, and that mad shine is drilled into the moon, which is masculine that night. But this ain't no musical rap, no screwball comedy. This is just dog-collared loneliness. The world is not a wild place. We'll be right back. After the hotel clerk spoke to me, I moved to another hotel and registered under another name. I stopped going to the village and shifted all the village customers to Uptown Meats. When I told Gaines what the hotel clerk said to me, and how lucky we were he happened to be a right guy, he said, "We've got to pack in. We can't last with this crowd." I want to fuck a dog in the ass. He wants to fuck a dog in the ass. I want to fuck a dog. That's right, kids. I tried to fuck your mom in the ass. Tried to fuck your dad in the ass. Could only find the dog and his ass. We wanna fuck a dog in the ass. We wanna fuck a dog in the ass. We wanna fuck a dog. I tried to fuck a fucking pirate in the ass. Fire me and me first mate, a scurvy cur. Tried to fuck a fucking pirate, but I found the dog. Ah, that was no pirate, man. That was thy own sister. It's a Mexican pirate. We wanna fuck a dog in the ass. We wanna fuck a dog in the ass. Wanna fuck a fucking dog. Fuck you. Young boy, don't know much about life. Ooh.